Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Tom Nettit Batalis, Netame Maneketu, Kanra Kelachi. Tom Nettit Batalis, Netame Maneketu, Kanra Kelachi. Montrez-moi où est l'enveloppe. Mane Kavur Bataru. Mane Kavur Bataru. Montrez-moi où est la clé. Mane Chavi Bataru. Mane Chavi Bataru. Montrez-moi où est le rasoir. Mane Ostro Bataru. Mane Ostro Bataru. Montrez-moi où est le verre. Mane Galas Bataru. Mane Galas Bataru. Montrez-moi où est le crayon. Mane Kalam Bataru. Mane Kalam Bataru. Montrez-moi où est le téléphone. Mane Phone Bataru. Mane Phone Bataru. Montrez-moi où est la montre. Mane Garial Bataru. Mane Garial Bataru. Montrez-moi où sont les ciseaux. Mane Kater Bataru. Mane Kater Bataru. Montrez-moi où est le peigne. Mane Kaski Bataru. Mane Kaski Bataru. Montrez-moi où sont les lunettes. Mane Chasma Bataru. Mane Chasma Bataru.